sa chair et ma chair, qu'est-ce qu'il adviendrait? Si le pancréas charnu ne fonctionne plus, la maladie pénètre le corps comme un fantôme qui passe à travers les murs. Si la vésicule perdue n'existe plus, l'amour transperce le corps comme un atome qui circule dans les molécules. Caillou dans la chaussure et dans la vésicule, pancréas est mort et je capitule. Ça fait bling bling dans mon ventre, ça fait bling bling, je dis tiens. Maintenant je coagule dans ta vésicule, c'est pour ça que je m'efface dans ton pancréas. Ça fait clac clac sous ma chair, ça fait pom pom, c'est la guerre. Des pétasses, des articules, pancréas et vésicule. Ça fait crac crac sous la couette, ça fait pom pom dans ma tête. Des pétasses, des articules, pancréas et vésicule. Des personnes qui peuvent garder leurs cailloux, les ramener chez eux et les mettre dans une petite boîte à cailloux. On ne m'a pas demandé si je les voulais, mes cailloux. J'aurais dit oui, je veux bien mes cailloux pour ma boîte à cailloux. Boîte à corps, boîte à clous, boîte à kick, boîte aux lettres. Lettre d'amour, mon A3. Trois petites boîtes, boîte de nuit, boîte en cœur. Boîte de chocolat, boîte à gants, gants de soie, soi-disant. Boîte à mort, c'est certain. Cercueil. Je pénètre ton cimetière corps pour conquérir ta pierre de cœur. On chante en cœur et on danse en corps. Pancréas et vésicule ont décidé de s'amuser. PV, point de vie, permis, vélo. Pas vous, pas de vie, pas de vente, pas de terre. Permis, voiture, procès verbal. La policière demande une preuve que notre amour est véritable et résistante à toute épreuve. She wants nous mettre à l'amende. On lui a dit VP, va te faire pomponner. Pancréas et vésicule, j'ai mis ton bras dans mon cul. Je fais un casse, tu capitules. Tu m'embrasses et je t'encule. Je fais la brasse en tentacule. Joint de culasse et mandibule. Depuis je rêvasse sur Irule. Vésicule et pancréas, je mets mon pull et tu te casses. Grosse tête de mule, tête de poufiasse. Je fais des bulles avec mon as. Tu me manipules dans l'espace. Je particule, tu restes classe. Je déambule sous drum and bass. Caillou dans la chaussure et dans la vésicule, pancréas est mort et je capitule. Ça fait bling bling dans mon ventre, ça fait bling bling, je dis tiens. Maintenant je coagule dans ta vésicule, c'est pour ça que je m'efface dans ton pancréas. Ça fait clac clac sous ma chair, ça fait pom pom, c'est la guerre. Des pétasses, des articules, pancréas et vésicule. Ça fait crac crac sous la couette, ça fait pom pom dans ma tête. Des pétasses, des articules, pancréas et vésicule.